Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, c'est l'heure du journal parlé en français, la grande édition de cette mi-journée du 15 décembre 2016. Et voici tout de suite les grands titres. L'ambassadeur du Burundi à Kigali a été rappelé par Bujumbura pour consultation une semaine après son collègue de Bruxelles en Belgique. Et la sœur directrice d'internat à l'école technique de gestion de Muyinga a échappé à une tentative d'assassinat. Sœur Evelyne Naïmana a été grièvement blessée par un élève qui avait été renvoyé définitivement de cet établissement. Et les 12e journées médicales sur le diabète ont été organisées ce jeudi par la faculté de médecine de l'Université du Burundi. Il a été dit que sur 1000 personnes dépistées, 15 cas sont diabétiques. Et en actualité internationale, l'Organisation des Nations Unies alerte sur les violations des droits de l'homme dans le Kasaï central. C'est en République démocratique du Congo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. L'ambassadeur du Burundi au Rwanda a été rappelé en consultation ce mercredi selon les sources du ministère des Relations extérieures. Cet ambassadeur a été rappelé pour évaluer les relations entre les deux pays. Les mêmes sources confirment qu'il ne s'agit pas d'une fermeture de cette ambassade. Il y a une semaine, l'ambassadeur du Burundi en Belgique avait été lui aussi rappelé pour la même cause. Et la sœur Marie-Evelyne Nahimana, directrice d'internat à l'école technique de gestion Muyinga, a reçu un coup de houe sur la joue de la part d'un élève vers 20h de la nuit de ce mercredi. D'après la directrice de l'ETG, l'auteur de la tentative d'assassinat est un élève finaliste qui avait été renvoyé définitivement de cette école par le conseil de discipline quelques heures avant pour avoir tenté de frapper la directrice d'internat. L'élève renvoyé est allé à la maison pour retourner à l'internat dans la soirée, espérant assassiner celle qu'il croyait être à l'origine de son renvoi. Dans l'avant-midi de ce jeudi, cet élève et la sœur victime ont subi un interrogatoire par l'officier de police judiciaire. Et les éducateurs et les élèves à l'ETG Muyinga demandent que ce dossier soit jugé comme un cas de flagrance. Audience publique prévue ce matin au tribunal de grande instance de Gitega, session criminelle dans l'affaire du double meurtre à Gitega du policier Manari Odeo et du prisonnier qu'il avait tué auparavant, avant qu'il ne prenne le large. Les prévenus sont l'adjoint du directeur de la prison de Gitega, le chef de poste de police à cette maison de détention, le représentant des prisonniers ainsi que le responsable de la maison de passage où a eu lieu le crime. Ces personnes sont poursuivies pour complicité de meurtre, complicité dans l'évasion et non-assistance à personne en danger. Ces trois hommes et une femme avaient comparu hier, mais l'audience a dû être reportée pour ce jeudi matin, étant donné que les prévenus n'avaient pas d'avocat. La présidente du siège a précisé que ce dossier fait partie des cas de flagrance. Dans la suite de ce journal à 13h sur Isanganiro, le gouverneur de la province Muyinga a distribué ce mercredi aux vulnérables de petits poissons saisis mardi. L'autorité provinciale accuse la personne qui transportait les 46 cartons d'avoir utilisé des moustiquaires alors qu'ils sont interdits dans la pêche. Les détails avec notre correspondant Dieudonné Zeyman. Tels sont des chandeliers de bateaux d'Organigua, commune et Muyinga, au vu des cartons pleins de petits poissons. Ces poissons, emballés dans 46 cartons, ont été saisis par les agents de sécurité mardi soir. Aline Mane Barusha, gouverneur de la province Muyinga, justifie le pourquoi de cette saisie. Nous avons vu la voiture dans la route, chargée. Je dirais que c'était un mauvais chargement. Elle portait des cartons de petits poissons. Je ne dirais pas des indagarés, ce sont des petits poissons. Je vais les saisir, je vais les donner aux pauvres, parce que d'abord, ils sont en train de détruire l'environnement, ces petits poissons. Dans une année ou dans 3 mois, ce serait vraiment des gros poissons. D'autre part, on les pêche en utilisant des moustiquaires. Normalement, les moustiquaires sont destinés pour les personnes, pour se couvrir, pour lutter contre la malaria. Voilà, c'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser comme ça des choses. Et comme ça, nous devons protéger notre province, voire même le pays. Le propriétaire du véhicule, dit Probox, qui transportait ces poissons, rejette l'accusation de pratiquer une pêche illicite. Je ne suis qu'un commerçant, je m'approche auprès des pêcheurs, signifiait-il sans convaincre l'autorité provinciale. Une dizaine de cartons de ces poissons a été distribuée aux détenus de la prison de Muyinga, aussi content de cette distribution comme ces bateaux de Ruganigua. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga, pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Certains habitants de la zone Mobonné en commune Kabézis et dans la province de Bujumbura disent être menacés par des gens qui les accusent de sorcellerie. Certains d'entre eux ont déjà même pris le large. Il y en a même qui ont été obligés de payer de l'argent pour se dédouaner. Ces personnes demandent que leur sécurité soit assurée pour laisser le travail à la justice et que ce réseau de dénonciateurs soit démantelé. Suivez ces habitants de la zone Mobonné. J'ai vu un groupe de gens qui prient et m'ont accusé d'être un sorcier. On s'est battu. Par après, le chef de zone, les conseillers sont arrivés et ils m'ont amené à la zone. Et puis, ils ont amené un pot et ont dit qu'il contient des potions. L'administrateur a donné l'ordre que je sois mis dans le cachot. J'y ai passé 4 jours et le procureur m'a relâché par après. Mais je ne peux pas rentrer chez moi. Il y a des personnes qui m'intimident ainsi que ma famille, je demande que ma sécurité soit assurée. J'ai été attaqué par des personnes qui disent être membres d'un groupe de prière. Ils sont allés trouver des objets dans une de mes maisons détruites. Les administratifs m'ont demandé si j'étais le propriétaire de ces objets, ce que j'ai nié. Mais ils ne m'ont pas cru et m'ont demandé de chercher une somme de 200 000 francs beaux. J'ai dû payer cet argent. Tout ce que je demande aux administratifs, c'est que ce groupe soit arrêté. Tout cela perturbe la sécurité de notre zone. Ce groupe nous accuse d'être des sorciers. Ses membres ont brûlé les habits des femmes et des filles en disant que c'est de la sorcellerie. Il y a des bienfaiteurs qui nous avaient donné des cahiers, ils les ont brûlés. On leur a demandé pourquoi cela, mais ils ne nous ont pas donné des éclaircissements. Parfois, ils prennent de vieilles marmites trouées et ils disent que c'est de la sorcellerie. S'il y a des sorciers, qu'ils soient traduits en justice. Démographie galopante inquiétante en commune Gattara de la province Kayanza, où la densité atteint plus de 900 habitants par kilomètre carré. Des séances de sensibilisation à la planification familiale sont quotidiennes, selon l'administrateur communal. Cette autorité déplore néanmoins les enseignements de certaines églises qui ne font que contredire les propos de l'administration. Apollinaire Mouzagara pour les détails. Lors des différentes réunions tenues par les responsables administratifs et sanitaires de la province Kayanza, tous reviennent sur l'inquiétante explosion démographique dans cette province. Un accent particulier est mis sur la commune Gattara, où les rapports de l'administration à la base montrent que la densité est actuellement en 920 habitants par kilomètre carré. Cela risque d'empirer la situation, notamment en ce qui est d'incessants litiges fonciers. Irien Nech, l'administrateur de la commune Gattara, Devote Ndaïze Eye et le médecin chef de district sanitaire de Garombo, où est implantée cette commune, indique que des de sensibilisation sur les méthodes de planning familial sont monnaie courante. Pourtant, déplore ces deux autorités, la population reste réticente à cause des enseignements de certaines églises contredisant ceux de l'administration territoriale et sanitaire. Selon ces églises, adhérer à ces méthodes signifie passer outre la volonté d'autres. Conséquence, la province Kayanza accuse un faible taux d'acceptation aux méthodes de planning familial, soit 15,2% comme annoncé lors d'une réunion d'évaluation des réalisations et de planification provinciale pour 2007 en matière de santé. Réunion tenue ce mercredi à Kayan, Devote Ndaïze Eye lance un appel pressant aux responsables de toutes les églises pour une bonne collaboration afin de stopper cet accroissement démographique. De Kayanza, Apone Muzagara, Radio Sangani. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h05 à Bujumbura. Politique, ce n'est pas une bonne stratégie de récuser tout le temps les facilitateurs. C'est l'avis du président de l'Olucom qui indique que Benjamin Mkapa est le troisième facilitateur récusé. Gabriel Rouftiri estime que les partis en conflit devraient plutôt, au lieu de tergiverser tout le temps, s'attaquer aux vraies questions qui hantent les Burundais. Le président de l'Olucom le dit après que le facilitateur Benjamin Mkapa ait été récusé par le CNARED et certaines organisations de la société civile. Suivez. On a suivi le dialogue à Bujumbura sous le dossier de l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région de Grarac, Saïd Djinit. et Batiri, l'envoyé spécial dans la région de l'Afrique centrale. Mais par après, la sous-région a pris la question à main, donc l'EAC. Et voilà, les trois, depuis mai 2015, ont été réquisés. Vous comprendrez qu'il y a un problème quelque part. Parce que je dirais que finalement, les Burundais, nous sommes des spécialistes de réquisition. Donc, pour nous, nous voyons que ce qui est urgent pour le moment, c'est d'abord que l'opposition soit unie, soit ensemble, dis-moi ceux qui partagent les valeurs. Et après avoir été ensemble, il faut qu'ils écrivent une lettre à envoyer au facilitateur, le président de l'Ouganda, Museveni, et au président de l'EAC, le président Magufuli. Cette correspondance aurait quel message devant le médiateur? C'est de clarifier les propos tenus par le co-facilitateur, aussi de voir réellement la position de l'EAC. C'était Gabriel Ofili, président de l'Olucom. 15 cas sur 1000 personnes dépistées sont diabétiques. Cela a été dit ce jeudi lors d'un atelier des 12e journées médicales sur le diabète organisé par la faculté de médecine de l'Université du Burundi. Le doyen de cette faculté a précisé que c'est dans le cadre de sensibiliser le public et les chercheurs sur la prévention de cette maladie qui est la troisième cause d'hospitalisation au Burundi. Nous reviendrons sur cette information dans nos éditions de la soirée. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En République démocratique du Congo, l'ONU alerte sur les violations des droits de l'homme dans le Kasaï central. Et au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a haussé le budget pour relancer l'économie. Christella Nizigama. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a présenté mercredi un budget ambitieux pour l'année 2017 au Sénat, promettant de sortir le pays de la situation économique la plus difficile de son histoire. Le budget national proposé par le chef de l'État s'élève à 23 milliards de dollars, soit 20% de plus que le budget 2016 qui était déjà un record pour le pays. Cette somme devrait permettre de sortir le Nigeria de la récession aussi vite que possible en investissant dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des services en priorité. Le géant d'Afrique de l'Ouest, qui dépend presque entièrement du pétrole, a souffert cette année de la chute du prix du baril et d'une chute de la production qui devrait voir sa croissance se retracer de 1,7% en 2016, selon les prévisions du Fonds monétaire international. Les prévisions faites par le chef de l'État pour élaborer son budget sont particulièrement optimistes. Et en République démocratique du Congo, ces derniers mois, on a assisté à plusieurs épisodes de violence dans la province de Kasaï central. Il y a d'abord les exactions attribuées à l'armée congolaise. Selon l'ONU, 117 civils auraient été tués par des balles des forces armées de la République démocratique du Congo entre le 22 juillet et le 30 octobre dernier. Des hommes, des femmes et des enfants qui ne combattaient pas auraient été tués chez eux dans leur village, précise une source, alors qu'ils n'auraient aucun lien clairement établi avec des miliciens. Les Nations Unies parlent donc des exécutions extrajudiciaires. Comme nous le lisons sur le site de la Radio France Internationale, le porte-parole de l'armée congolaise n'a pas souhaité réagir. Quant à la police, elle n'était pas en mesure jusqu'à mercredi soir de fournir un bilan actualisé du nombre de policiers tués au cours de ces différents épisodes de violence. Christella Nizigama, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle quelques titres. L'ambassadeur du Burundi à Kigali a été rappelé par Bujumbura pour consultation une semaine après son collègue de Bruxelles en Belgique. Et la sœur directrice d'internat à l'école technique de gestion de Muyinga a échappé à une tentative d'assassinat. Sœur Evelyne Nahimana a été grièvement blessée par un élève qui avait été renvoyé définitivement de cet établissement. Et les 12e journées médicales sur le diabète ont été organisées ce jeudi par la faculté de médecine de l'Université du Burundi. Il a été dit que sur 1000 personnes dépistées, 15 cas sont diabétiques. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.